L'album, si tu veux faire la fête, lève ton verre d'Ice Tea Pêche. Ce soir, tout le monde est de la partie. Ambiance West Coast, bouge ton body. DJ cale le son pour enflammer ses cocottes. Et les gars qui dansent côte à côte. Ce soir, vous avez la pêche. Ouais, ouais. Y'a des meufs, du ponche, du champagne. Wah, wah, youpi yo, youpi yé. Jean basket, ce soir, tout est permis. Pas le droit de roupiller. Les mains en l'air, la tête qui bouge de droite à gauche. Ouais, ouais.